Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 19e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أما بعد. ما معنى Agera, Yujiri. Faire. Dans le texte. Et en temps normal, c'est courir. Faire courir. Faire courir. Ouais. Tahlilu, tahalil. Une analyse. Dem. Le sang. Un sang. Le sang. Du sang. Non. Du sang. Mukhtabar. Le laboratoire. Natija. Natija. Natija. Injection. Résultat. Malaria. La malaria. Dawaun. C'est un médicament. Habbatun. Cachet. Marra. Hein? Marra. Une fois. Huknatun. Huknatun, ça c'est piqûre. Injection. Injection. Parce que c'est pas toute piqûre qu'une injection. Non. Une piqûre, ça peut être une prise de sang. Ou... Injection. Adalun. Adalun. Aïn, Zod, Lem. Ah, muscle. Nam. Ah, subhanallah. Zahara, Yadharu. Apparaître. Istermala, Yastermido. Utiliser. Safha. Une page. طيب احسنت ما هي علامه الرفع في المثنى المثنى سي كو لسين دو رفع لسين دو رفع دو سي المثنى جول جول نعم الف و رفع فقط الف طيب ألف. والنصب النصب علامه النصب قاتل منصوب كيف نصب أحسنت. والجر. الجر. قال لي مجرور هكذا حرف جر ومضاف إليه. لا في الكتاب لكن أنا قلت لك في الدرس. لعلك تتذكر. سيليا باي. Et pareil, que l'on faut. Ah, quand il est majeur, tu veux dire ? Non. Ah, non, j'ai rien fait. Lilium, Kuna, Tamarin Kam ? Kuli, Rabia, Tania. Tania. Fait, Faddal. يشتري إسماعيل كتابين. نعم. إسماعيل أشد ليه. يقرأ إسحاق صحيفتين. نعم. إسحاق دي لي دو جورنو. يكتبوا عبدالله صفحتين. عبدالله يكتب دو باج. يحمل يوسف. يوسف. يوسف. نعم. يحمل يوسف حقيبتين. يوسف porte deux valises. يستلم محمود رسالتين. محمود reçoit deux lettres. يرسل خالد برقيتين. Khalid envoie deux télégrammes. Thumma kam? Rabia. Rabia, non. Tfaddal. Ma Yusuf. Wa alaykum assalam. Ma Yusuf. Qibatani. Naam. Ma Ibrahim. Qalamani. Ma Ishaqu. Ghulbatani. Ghulba, c'est une boîte. Et son c'est pas vraiment une boîte. Oh, aussi. Hein? Sauf c'est une boîte. مع إسماعيل زجاجتان. زجاجتان. زجاجتان. ما معنى زجاجة؟ زجاجة. نعم. ها؟ نعم في الدجاجة كلها. زجاجة. لا أعرف. نعم وقلت لكم المعنى نعم. خامسا مع عبد الله ريالان. نعم. مع أحمد كراستان. زجاجة سي بوتاي أو فير سولمون لا ماتيير. سي بوتاي أو فير أو دو فير. خامسا أمبير لي ترو. أون لا فير أنصومبل. أون لا فير أنصومبل. سي كو تاني أن كو. أه باغي أمبير لي ترو أوسي. طيب الجمعة الأولى عندك عبد الرحمن. أخذ عمر أخذ عمر أخذ عمر نتيجة التحليل وذهب إلى الطبيب. نعم. ثانيا قال طبيب لعمر ظهرت. نعم. ظهرت عندك ملارية في الدم. طيب ثالثا قرر الطبيب لعمر بقنة في العدل كل يوم. نعم. رابعا قال الطبيب لعمر شفاك الله شفاك الله. طيب ندخل في درس السابع في جزء اقراء كلمة الجديدة علاج. Pareil, علاج c'est un soin. Peut être un traitement. C'est le mazdar de alaj wa alaj. Qama bi yaqum bi qatam al bi d'ailleurs fi qama c'est s'occuper, prendre en charge. Traiter. OK là. Inch'Allah, il m'a dit ça. Kuntu, on avait vu Kuntu, c'était prononcé, sinon. Kuntu. Kuntu. Non, il y a un Kuntu. Bi. Ça vient de là. Amalia. Amalia, c'est une opération. Donc, quand on a le derrière, jirahiya, c'est chirurgical. Opération chirurgicale. Chaka yashku, c'est se plaindre. Chaka yashku, se plaindre. Nauroun, c'est un genre. Nauroun, un genre. Moussaboun, c'est atteint. Par exemple, la coule Foulen Moussaboun Bikaza, c'est un tel et atteint de telle chose. Kama Kayatin Shabbat Nos. Non. Sharabun, là c'est du sirop qui veut dire. Sharabun, du sirop. Sumtaria, c'est une maladie, je ne sais pas c'est laquelle. Je ne connais pas son équivalent, comment dire en français. Je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est une maladie. Wa Balharisia, pareil. Une maladie aussi. De toute façon, souvent, ce pas des mots arabes. Saïdaliya, pharmacie. Saïdaliya, pharmacie. Maradoun, maladie. On peut aussi dire daoun pour une maladie. Anidel, alif, hamza. C'est le même sens. Kinda, c'est aussi un mal. Aïnoun, Oyounoun, c'est les yeux. Aïnoun, c'est un œil. Oyounoun, c'est les yeux. Aïnoun, c'est le jam, c'est bon? Ah non. Oyoun, c'est le jam. Rasoun, tête. Kachafa, yakshifu, c'est découvrir ou dévoiler, retrouver même. Découvrir. Te trouver aussi. Non, dans le sens de trouver, quoi. C'est dans le sens de trouver. C'est pas de découvrir, par exemple, j'ai découvert une. Ça peut entrer dedans. Non. طيب استقرأ عبد الرحمن في المستشفى يجد الإنسان علاجا من المرض بإذن الله فالذي نعم كيف لحظة نترجم في مستشفى الهوبيتال يجد الإنسان دونك لوم تروف يجد سي لو مودولا دو وجدا كي يجد تروفي علاجا من المرض رميد أرمازي Biznillah, avec la permission d'Allah, taban. Fallazi yashuru bi alami fi batnihi yadhhabu ila qismi al-batniyah. Fi khuna. Fallazi yashuru bi alami, donc celui qui ressent une douleur fi batnihi, au ventre, yadhhabu ila qismi al-batniyah. Il va au service de ce qui touche, de ce qui tourne autour du ventre. ومن يشكو من ألم في عينيه في عينيه في عينيه يتوجه إلى قسم العيون. Et celui qui se plaint de douleur dans ses deux yeux, il se dirige au service des yeux. C'est quoi l'ophtalmologie, ça ? Service ophtalmologie. Donc il dit, c'est-à-dire si le médecin prescrit de faire une opération chirurgicale, alors le service des opérations chirurgicales, c'est le lieu qui s'occupe de cela. يكشف الطبيب على المريض ثم يحوله إلى المختبر ليقوم بعمله. Donc يكشفه là, je crois qu'il veut dire aussi ausculter. Je veux dire ausculter. Le kashava, c'est l'essence qu'on a cité au début du vers. Mais là, dans le nom, il veut dire ausculter, je pense. يكشف الطبيب على المريض, donc le médecin ausculte le malade, ثم يحوله الى المختبر, ensuite il le dirige vers le laboratoire, ليقوم بعمل التحاليل ليعرف الطبيب نوع المرض, afin de pouvoir faire des analyses pour que le médecin sache le genre de la maladie. ثم أن المريض مصاب بالملاريا أو دوسنتارية أو البلهارسية أو غير ذلك. Donc il dit وقد يظهر من التحاليل, donc لقد, il est dans le sens de il se peut-être, il se peut que il apparaissent des analyses, que le malade est atteint de la malaria, ou de sumtaria, je ne sais pas comment on dit, c'était quoi comme maladie, ou bilharisiya, ou gharizalika, ou alors d'autres maladies, autre que cela. نوع المريض مرض نوع المرض مرضي يقرر الدواء الذي قد يكون حبوبا أو شرابا أو حقنا يأخذه من الصيدلية. ثم بعد أن يعرف الطبيب نوع المرض, donc ensuite après que le médecin ait su le genre de maladie, يكرر الدواء, il prescrit le médicament, الذي قد يكون حبوبا أو شرابا أو حقنا, donc le médicament qui peut-être, قد يكون, on a dit qui, يعني ça va en sens de peut-être, donc il se peut, ainsi de suite, يكون, c'est le modalia de كان, يكون, donc il se peut qu'il soit, que ce soit des cachets ou du sirop ou des injections. Liyakhuzahu min sidaliya, pour qu'il le prenne de la pharmacie, c'est-à-dire le malade. Liyakhuzahu ay al-marid min sidaliya, puis la pharmacie. C'est le jam de habba caché. للمرض. نعم. Et le N là, dans la phrase de ثم بعد أن يعرف الطبيب نوع المريض, est-ce que le N là, on le traduit en fait, c'est pour faire une liaison en fait entre Là, là, c'est pas. Là, c'est pas. Non, il n'y a pas de verbe, là, Marcel. Mais ce serait que. Ouais, après qu'il ait su. Mais là, il n'y a pas de verbe, qu'un seul. On aurait pu mettre Al-Ladi ou un truc comme ça, non ? Là. Qu'il faut boire de Al-Ladi et aller foutre ta vie. Là. Là, c'est Anne qui rentre. On aurait pu mettre rien du tout. Barbe d'Arif. Barbe d'Arif. Là, ça change le sens de la phrase. Ça change le sens ? Non. Taïeb, Awolen a dit même Asilati Atiya. Répond aux questions suivantes. Aïna yadhab man. Donc, où se rend celui ? Awolen, Yashku min alamin fi botni. Celui qui s'appelle une douleur au ventre. Yashku min alamin fi aini. Qui s'appelle une douleur à l'œil. Yukarriru lahu tabibu amaliyatan jirahiyatan. Celui qui prescrit le médecin une opération chirurgicale. Thaniyan, limaza yadhhabu al-maridu illa al-mukhtabar. Pourquoi le malade se rend-il au laboratoire? Thalithan, limaza yatlubu at-tabibu min al-marid 'amal al-tahalil. Pourquoi est-ce que le médecin désire du malade qu'il fasse des analyses? رابعا ما نوع العلاج الذي يستعمله المريض؟ Quel genre de médicament ou de soin utilise طيب le malade؟ خامسا من اين ياخذ المريض الدواء؟ D'où le malade prend-il le médicament ou le médicament؟ هذا سيكون في البيت والذي بعده كذلك. لان يحتاج التفكير يعني نفكر شويه. ثانيا املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة مما يلي. Donc pareil, remplir les trous des phrases suivantes avec les mots mentionnés en dessous. مصابون, qu'on veut dire atteint. وسنتارية, nom de maladie. بالهارسية, maladie pareil. مرض, c'est la maladie en elle-même. يقوم بي, s'occuper de. Avec Chifo, là c'est aussi ausculté. Je mets l'oula, Sha'ara Mohamedun bi fara fi botni. Donc Mohamed a ressenti, là il faut mettre le mot, dans son ventre. Fa'anyen, karara an yadhaba ila tabibi li fara alayhi. Donc il décida de se rendre chez le médecin pour mettre le mot, n'am. ثالثا قال له الطبيب ان مرضك قد يكون فراغ او فراغ. Donc le médecin lui a dit il se peut que ta maladie soit telle chose, la chose à mettre ou la chose à mettre. رابعا ذهب محمود, ils ont pas mis de tanwin, tanwin c'est محمود n'est-ce pas, محمود, الى المختبر لي فراغ عمل التحاليل. Donc Mohamed s'est rendu au laboratoire pour mettre le mot des examens ou analyses. Khamisan, ظهرت نتيجة التحاليل بأن محمدا فراغ بالدستونارية. دستونتارية, enfin. دستونتارية. Donc il a apparu des résultats des examens que Mohamed, le Mohamed, du دستونتارية. والثالثة لا تفعلوه. Troisième, ne faites pas. نعم. الأول والثاني اللي غادي إن شاء الله. والثالث متروك. متروكوه. فندخل في الوحدة السادسة من الموضوع الخامس. بعنوان في الفندق. والفندق سي لوتيل. الفندق في الهوتيل. يقول السؤال عن الفندق. Donc la question sur l'hôtel. Il y a une interroge en fait, enseignement en fait. الكلمات الجديدة دل يدل. دل c'est là c'est montrer une chose, indiquer une chose, ou prouver une chose, ou démontrer une chose. Et là, ce qu'ils veulent, eux, dans le texte, c'est indiquer, faire connaître. C'est de là que vient le mot Dalil. Quel est le ma'louf ? Nasaba, yunasibu. Ça, c'est correspondre. Ou convenir. Correspondre, c'est pas un courrier. Là, c'est correspondre, genre, ce qui convient, quoi. Ça te correspond, ouais, ça te convient. Ou aller bien, Massalène, d'un rajout, il baisse le camis, c'est cool, là, le camis, il c'est beau. Ce camis, te va bien, par exemple. Mounasib, c'est quoi Mounasib, Daoud Mounasib. Non. Nasaba yunasibu, c'est le verbe. Mounasib, c'est quoi? Hein? Nasaba. Yunasibu, c'est le verbe. Mounasib, c'est quoi? C'est le ism fa'il. Ism fa'il. Even, ma'louf. Si tu as compris le verbe, l'ism fa'il, Inch'Allah, il va avec. As'ar, c'est le djem de si'ar, qui veut dire prix. As'ar, djem si'ar, qui veut dire prix. Le prix? Khalita, c'est un plan, une carte. Fundouk, ma'alouf, on l'a dit au début, hôtel. Roulfa, une chambre. Son djem, c'est Roulaf. Ana, yani, quand on dit yani, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça peut aussi avoir le sens de concerner ou regarder. Par exemple, je te dis, comme dit le hadith Abi Huraira, min husn islam al-mar, tarkuhu ma la yani. Parmi la bonne chose de l'islam d'une personne, qui délaisse ce qui ne le concerne pas. Eh? Mais ça n'a qu'un adal la yani. Ça ne te regarde pas. Ouais. Ça ne te vise pas. C'est-à-dire, mais souvent, quand on dit yani, quand les gens y passent, ils veulent dire ça veut dire. C'est-à-dire, ça veut dire. Nazal yanzilu, là-bas ça veut dire descendre. Mais là dans le texte ça veut dire résider, habiter quelque part. As'afa yus'ifu. C'est pour mon secours. D'ailleurs, is'af, c'est son masdar. Is'af, c'est le masdar de as'afa yus'ifu. Is'af, c'est assistance. Secourisme, secours. Donc la as'afa yus'ifu, c'est le verbe. Even, ça veut dire donc. Parmi les mots, tu veux dire donc. Ou alors, je peux dire aussi. Donc alors. Un plan ou une carte. Est-ce que quand on dit Dataqa, c'est la même chose ou pas? De quoi? Dataqa. Là, c'est une petite carte, quoi. Ah. Comme Bitata Sharsiya, carte d'identité, par exemple. Là, c'est carte, genre le plan, les grandes cartes, pour se diriger. Tamam, al-hiwar, anana Khalid wa Bakr. Anta Khalid wa anta Bakr. Alhamdulillah, il se passe le salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Uridu funduqan anzilu fi. Dullani ala funduqin munasibin. Donc Khalid dit, je voudrais un hôtel pour y résider. Comme la Kulna, Anzilufi, Nazalala, c'est pas le sens de descendre. C'est pour y être, pour s'y installer. Dullani ala fundukin munasibin min fadlik. Donc montre-moi ou indique-moi, Mdala Dullu, là c'est l'âme. Indique-moi. Dalla ala, c'est indiqué sur quelque chose, vers quelque chose. Donc indique-moi un hôtel convenable, munasibin, on va dire convenable, mil fadlik, traduit par s'il te plaît. Atouridou fundoukan min darajatil oula amithaniya. Amithaniya. Amithaniya. Donc il dit, veux-tu un hôtel de première classe ou de deuxième? Il dit, je préfère un hôtel de deuxième classe. Donc, te conviendra l'hôtel qui est près de l'aéroport. Bijouari, c'est à côté d'eux. C'est comme Moujaouir m'avait dit, c'est le même sens. Bijouari, à côté d'eux, dans le sens voisin, proche. C'est Djouar et Moujaouir, c'est pareil. À peu près, ouais. Est-ce que tu veux dire le fondouk s'appelle Saddaqa? Naam, fa as'aruhu munasibatun wa ghurufuhu wa wasi'a. Donc il dit oui, car ces prix sont abordables. Vous voyez, Blamouna, Siba, c'est abordable, convenable. Ou Rolofou, ou Asia, et ses chambres sont grandes, spacieuses. Donc il dit, c'est un hôtel abordable, cependant il est loin. Donc il dit, il est possible de monter dans le bus qui passe devant l'hôtel. Donc Hakon, ça on dirait par vraiment, comme c'est une interrogation, vraiment. Donc, allez, on y va maintenant. Non. Donc là, maintenant, il va faire un truc pour faire pour pouvoir employer l'ism al-mawsoul. Vous voyez, l'ism al-mawsoul, ma'louf, al-lazi, qui veut dire celui. Et en arabe, quand tu utilises l'ism al-mawsoul, tu dois obligatoirement faire suivre d'une phrase. Tu veux pas que al-lazi tout seul, obligé une phrase derrière. Yaqul, Nazala Mahmoudun fil funduk al-lazi bi jiwar al-matar. Mahmoud, d'ailleurs, s'est rendu ou résidé dans l'hôtel, celui qui est près de l'aéroport, ou avoisinant l'aéroport. Thaniyan, sakana Ibrahimu al-bayt al-lazi khalfa al-ma'had. Donc Ibrahim a habité la maison, celle qui est derrière l'établissement. Thalithan, dhahaba Muhammadun ila al-maktab al-barid al-lazi bijwa al-ma'had. Donc Mohamed est allé à la poste, celle qui est avoisinante à l'établissement. Rabi'an, wasala Salimun ila al-mal'ab allazi yamin al-maktaba. Donc Salim est arrivé au terrain-dieu, celui qui est à droite de la bibliothèque ou la librairie. Khamisan, akhadha Hasanun al-kitab allazi fawq al-raf. Donc Hassan a pris le livre qui se trouve sur l'étagère. Sadisan, sa'ala Abdullah al-muwazzaf allazi dakhil al-maktab. Donc Abdullah a interrogé l'employé, celui qui est à l'intérieur de l'agence ou du bureau. J'ai remarqué là dans les phrases, après allazi, c'est toujours des comment dire, harfou d'amal, c'est ça? C'est comme si des lieux, à côté. Là, pas forcément. Pas forcément, c'est pas voilà, pour ça. Là, dans les exemples qu'ils ont mis, mais sinon, non, c'est pas pour, pas pour ça. Parce que là, il parle que de lieux, de son nom des phrases. Toutes les phrases, ça se rapporte à des lieux. Ouais. C'est pour ça que derrière, c'est avec un lieu. Il ne faut pas être pour autre chose. Donc, ça, c'est Al-Ism Mawsoul Muzakkar Al-Mufrad, pour le singulier masculin. Thaniyan istami wa raddid. Donc écoute et répète. Juste écouter. Awalan, nazala Mahmoudun fil hujrati allati bil tabiq rabi'. Donc Mahmoud habite dans l'appartement ou la pièce, celle qui est au deuxième étage. Donc là, allati. Quatrième étage, normalement. Qui est ism mawsoul al-muannath al-mufrada. Pour le féminin singulier. ركب محمود الحافلة التي قرب المعهد. Donc Mahmoud est monté dans le bus, celle qui est, ou celui, en français c'est en masculin, qui est proche de l'établissement. Thaniyan, ذهب إبراهيم للمكتبة التي بجوار الجامعة. Donc Ibrahim est allé à la librairie, celle qui est à côté de l'université. Rabi'an, اشترى حسن من البقالة التي أمام موقف الحافلة. Donc Hassan a acheté depuis l'épicerie celle qui est devant la station des bus. Khamisan, akhadha Fatima risalata allati fawqa al-maktab. Donc akhadha c'est prendre. Fatima a pris la lettre celle qui est au-dessus du bureau. طيب l'exemple d'après anta tastaqra'u Abdul Rahman wallazi ba'dahu anta Daoud. Wa hawlu tarjim li istata'ta. Essaye de traduire ce sérieux. C'est Amin, enfin. Non, là, c'est pas un nom, là. C'est l'agent de sécurité, je pense. Sûrement, ouais. Celui-ci est l'agent de sécurité de la bibliothèque, celui qui travaille. Là. Non. Celui qui travaille dans la bibliothèque de l'établissement. Non. هذا هو الطبيب الذي يعالج المريض. Celui-ci est le docteur. Donc lui, dis plutôt lui. Lui. Non, lui c'est. Lui c'est le docteur, celui qui soigne les malades, le malade. Non, le malade. Un frat. هذا هو المدرس الذي يعلم القراءة. Celui-ci, lui est celui. Lui, c'est le professeur. Lui, c'est le professeur, celui qui enseigne la lecture. Naam. Hada huwa al-muhandis alladhi yarsum al-kharita. Celui-ci est l'ingénieur, celui qui. Tu peux dire qui aussi, al-ladhi. On peut traduire par qui. Ouais. Qui yarsum. C'est dessiné. Celui qui dessine les cartes qui vont en carte. هذا هو البقال الذي يبيع الفاكهة. Celui-ci est l'épicier qui vend les fruits. هذا هو العامل الذي يدلك على الحجرة. Celui-ci est le travailleur qui. On va dire, on peut l'employer là aussi. L'employé qui t'indique le logement. La chambre. La chambre. Non. أنت باب ألم مع المؤنث نصف فيمينا. هذه هي الحافلة التي تمر أمام الفندق. ترجم. ce sont les cartes. لا هذا هذا مفرد c'est du singulier. C'est le car qui نعم. qui passe devant l'hôtel. أحسنت. Lui c'est le car qui passe devant l'hôtel. هذه هي الطائرة التي تحمل الركاب. Lui c'est le oiseau. Non, c'est l'avion. Mm-hmm. C'est l'avion qui transporte les passagers. Non. هذه هي السفينة التي تنقل النفط. Non, ou neuf aussi, on peut dire. Lui, c'est le bateau qui. Transporte, on va dire. Qui transporte le pétrole. Non. هذه هي الدراجة التي تناسب الطلاب. Lui, c'est le. دراجة. On va dire un vélo ou la moto. Lui, c'est la moto qui. Convient. Qui? Convient. Qui convient aux élèves. هذه هي السيارة التي تسعف المريض. Lui, c'est la voiture qui. tout ce qui est, c'est qui on pourrait les transporter cours, aussi. Le cours, non c'est ouais, mais là on pourrait les transporter aussi. Transporte le malade. Non. Parce qu'on ne pourra pas vraiment trouver un mot spécifique. Mais voilà quoi. طيب خلاص أحسنتما رابعا أربط الجملتين كما في النموذج من هنا فولي entre les deux phrases مثلا عندنا نزل سليم في الفندق هذه هي première phrase deuxième الفندق بجوال المطار donc quand on lit les deux phrases ça fait نزل سليم في الفندق الذي بجوال المطار. Donc en fait, on mettait le lazi entre les deux, ou le lazi, ça dépend de ce qu'il y a besoin. Enfin, j'ai mal où là ? Andek ? Lise les deux phrases. Sakana Ibrahim ou al-Bayt, al-Bayt ou khalf al-Mahad. Sakana Ibrahim ou al-Bayt, al-Lazi khalf al-Mahad. Naam. ثانيا ذهب محامد إلى المكتب المكتب أمام موقف الحافلات ذهب محامد إلى المكتب الذي أمام موقف الحافلات نعم وصل أحمد إلى الملعب الملعب يمين المستشفى وصل أحمد إلى الملعب الذي يمين المستشفى. نعم. أخذ حسن الكتاب. حسن الكتاب. سيتشرشن. أخذ حسن الكتاب فوق الرف أخذ حسن الكتاب الذي فوق الرف فوق الرف نعم طيب هذا كلام المذكر الآن سيفعل المؤنث نعم خامسا نفس الشيء لكن الآن مع المؤنث اربط الجملتين كما في النموذج دخل محمود الحجرة الحجرة بالطابق الرابع دخل محمود الحجرة التي بالطابق الرابع نفس الشيء الآن اشترى أحمد من البقالة أمام موقف الحافلات نعم ذهب إبراهيم إلى المكتبات المكتبات بجوار الجامعة ذهب إبراهيم إلى المكتبات التي بجوار الجامعة نعم فتحت زينب النافذة خلف السبورة فتحت زينب النافذة التي خلف السبورة أخذت فاطمة الرسالة فوق الرف الرسالة التي فوق الرف فوق الرف نعم طيب ما فهم هذا سفسي هذا سهل جدا سادسا حاتي المفرد كل كلمات من كلمات الآتية نبن السنجلية دي موسيون هذا في البيت ستبحثون إن شاء الله كذلك كل الكلمات معلومة طيب هذا نكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين